L'élégance arrogante dont se pointe la peur de n'être rien. Moi je crie aux chrysanthèmes que le nacre ne fait pas la perle. Pour un reflet appétissant de soi, on prend grand soin. Cacher les vestiges d'un corps, laisser le temps loin. Derrière ton ravalement de façade reste le code-barre sur ta poitrine opulente. La mort la plus lente, celle la plus cruelle. La déchéance de ton âme, de ton corps, de ton cerveau à grands coups de scalpel. T'es plus moche comme un pou, mais devenu lente. Ta connerie prend sa source aux racines de qui suis-je. Mais puis-je, moi, celui que tu méprises, toi, enflammer mes pamphlets contre ta peau de peinture. Le genre de mascara qui, au milieu d'une foule, se remarque comme une poule dans un champ de grenard. Remarque, monarque d'un royaume où la beauté se déchiffre sur les lèvres. Que les victimes de la mode y crèvent la sève de l'esprit, ouais, ne se lit que de l'intérieur. J'ai juste envie d'avoir les apparats de ma pudeur. J'ai juste envie d'avoir les apparats de ma pudeur. Aïe, les sols sont lancés, tu fais tes courses à plus d'heures. Cet ensemble vaut bien le fait de se lever à 4 heures. Ça le fait dans les rayons, de se courber les chines, de bousculer tes semblables pour obtenir le meilleur jean. Allez, laisse-moi parier, on peut pas y pallier que toi t'es parisienne, issue de la catégorie des gratte-ciel, à écouter ce qui est indiqué par des gratte-papiers de l'âge de papa qui commettent leurs actes dans le gala. Tu veux t'en connais des rayons prêts à attendre devant le star pour renouveler les artifices des artefacts de beauté. Pourtant t'es loin de sentir bon, je perçois une sorte d'intellect carrément factice, une suffisance sophistiquée qui rendrait sarcastique une philosophie ardente à en faire des élections. Et beauté, donc tu y portes plutôt un sac plastique. Le diadème ne sera que ton ultime humiliation. Le diadème ne sera que ton ultime humiliation. Monarque d'un royaume où la beauté se déchiffre sur les lèvres. J'ai juste envie d'avoir les apparats de ma pudeur. Les apparats de ma pudeur.